Leçon 1, première leçon. En route pour Paris. Première partie, le rendez-vous. Bonjour. Je m'appelle Guy Martin. Je suis français. Je suis à Orly. Orly est l'aéroport de Paris. Je suis dans le hall de l'aéroport. J'observe les voyageurs. Dans un quart d'heure, Monsieur Delon arrive. Il arrive avec Madame Delon. Paul et Valérie arrivent aussi. Paul et Valérie sont les enfants de Monsieur et Madame Delon. Ils arrivent de Montréal. Monsieur Delon est français. Madame Delon, Paul et Valérie aussi.